Cette nuit-là, cette jeune et magnifique maghrébine m'a envoyé un SMS. Cher Macheteur, élu de mon cœur, l'élite démonteur, cette grande saucisse élite démenteur. Si tu étais une arme, tu serais un AK. Le temps que je finisse de compter tes rageux, j'aurais des cheveux blancs comme Christine Lagarde. Mes frères m'ont cramé en train d'écouter ton album. Ils m'ont hagar. Mon mari, vendeur de taga ou de caca, vient de tomber au placard. Cette nuit, le créateur m'a dit que t'étais un prophète à 3h du matin, 3/4. Moi je t'aime et je veux te voir. Je suis même déjà à la gare. Je lui dis, mon téléphone est sur écoute. Je suis pisté, je suis le plus chaud des OGs. Ils vont te tuer les maudits. Je m'attendais pas à ce qu'elles me disent. Je m'en fous, je veux qu'on fasse des métis. Quand elle arriva dans mon appart hôtel, petit elle, un petit elle, j'espère que tu es inspiré. Je veux que tu écrives sur moi, me dit-elle. Je lui dis, j'ai pas envie, je suis trop chaud, le papier va brûler, l'appart va s'embraser, je préfère t'embrasser. Elle me dit, c'est pas une chanson que je veux, gros bêta, oh, écris sur moi, ton nom, dans le bas du dos, agrippe fort mes hanches et me laisse peau. Étourdi, je saisis un marqueur et écris de gauche à droite à quelques centimètres de son postérieur si beau, despo. Elle regarde le résultat dans le miroir et me dit, Starfallah, t'es celui que l'humanité attendait, le choix de Dieu, le 777, n'est-ce pas? Fatigué mais débordant d'orgueil, je lui dis, ce que tu dis est si beau, un maudit suppo. Elle se mise à pleurer de joie. Oui, tu es mon 777. Je lui dis, pourquoi tu dis ça, 777? Elle me répond après un smack humide. Tu es la maudite machette. Le 6, le chiffre du chétan, et en dessous du 7. Tu m'obsèdes, et de droite à gauche, comme on lit le Coran, despo c'est upset. Je lui dis, oui! C'est quasiment pareil. C'est un signe, tu crois? Serait-ce un lit du destin? Elle me dit, je traduirai tout ce que j'écris, tout ce que je dis, de droite à gauche dorénavant. Caresse-moi, tu es plus beau que les dribbles de Quaresma. Je suis ton festin. Dorénavant, tu es dog et je veux que tu rentres par l'attaque. Understand? Vu que c'est elle qui me l'a plus ou moins demandé, je me mis à bander devant cette éblouissante beauté. De plus, mon membre se tendait et celui qui n'aurait pas réagi de la sorte est un dep. J'ai dû céder à mes pulsions devant cette sublime Algérienne, quelque peu frêle, jeune, mais majeure, contrairement à ces salopards de pasteurs. J'ai dû céder à mes pulsions devant cette sublime Algérienne, quelque peu frêle, jeune, mais majeure. Master, master, master. Ah, bouge, bouge mon sang. Oh putain. Tu l'as mis cette bite comme ça dans ta bouche? Ouais. Non, qu'est-ce que tu fais? Je suis occupé, je fais juste pour la lumière. Puis mmh. Je te promets, t'es en train de m'allumer. Je fais juste pour la lumière parce que je savais pas faire autrement. Menteur. Je te promets. Non. Mais parce que le temps de régler et tout, putain, j'ai commencé à dépenser. Je te promets, le temps de. Efface. Tu sais que je. T'as pas. Mais t'inquiète, hein. T'inquiète, fais-moi confiance quand même. Je vais pas te. Passe à mon accord, sinon je te demande le droit d'auteur. C'est t'inquiète. T'es bête. T'inquiète. C'est ce que tu vas faire. Mmh. Tu vas te lever rapide. Et tu vas te lever. Tu baisses vite fait ton pantalon Tu t'assieds sur ma queue quelques instants. Rapidement, juste 30 secondes. 30 secondes et puis tu te retires, ça va? Juste 30 petites secondes. On dit si tu filmes, je te prends. T'inquiète. T'es en train de filmer. Mais je t'ai dit que j'efface. C'est parce que je savais pas faire autrement pour la lumière. Sur le moment, parce que. Non. Je t'ai dit parce que le temps de régler et tout, ça allait comme ça déborder tout le tralala. Mais je te promets que j'efface direct, c'est parce que. Oh, vas-y, pas ma tête. Je te promets. Pas ma tête. Mais je te promets. Mais retourne-toi. Le problème, c'est qu'il faut pas que je sente. Oh. Oh ouais, comme ça. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, c'est bon. Hein? Ah, c'était quoi d'avoir cette queue comme ça dans cette chatte? Ah, comme ça. Ah ouais. Ah, mon petit putain. J'ai trop peur.